Simonette par Clarissandre. Simonette, fluette fillette, brunette à couette et fossette, toujours en jupette et blanche soquette, regard vif et alerte, s'apprête à partir en goguette de Sète à Trieste, non dans une banale voiturette, mais dans une Renault estafette. Ses parents, détenteurs d'un petit théâtre de marionnettes et chanteurs d'opérettes, portant fièrement bouclettes et rouflaquettes, vestes à paillettes ou des dandilles et jaquettes, après quelques emplettes, chargent les bagages dans leur fourgonnette. À l'aide d'un pense-bête, Simonette a elle-même préparé sa valisette et trousse de toilette, sans oublier serviette et sabonnette. Comme ses parents, Simonette ne dédaigne pas pousser la chansonnette et parfois faire des claquettes. Mais elle préfère écrire des bluettes historiettes et lire fantômettes. Peu athlète, plutôt poète, elle amène tout de même raquettes, trottinettes et bicyclettes. Ses deux meilleurs amis seront bien sûr de la partie. Pomponnette, sa chatte grassouillette qui préfère la pâtée aux sèches croquettes et sa poupée Odette. Jolie blondinette aux joues rondelettes, couleur pomerainette, trônant dans sa rose poussette. Enfin prête, la famille Saint-Angette prend la poudre d'escampette. En route, elle s'arrête à l'auberge Supérette chez Yvette, connue des guides et locales gazettes, qui empiète sur un champ où broutent vachettes et jolies chevrettes au cou orné de clochettes. Sur la porte, une affichette le dit « Ici recette simplette, à la bonne franquette, pas de chichi dans les assiettes. » Au menu, pas d'andouillettes, alouettes sans tête, raclettes, tartiflettes ou blanquettes, mais diverses cassolettes, roquettes, canettes à la sarriette, courgettes bavettes ou saumonettes blanchettes, bon pain, bon vin, pas de piquettes ou industrielles baguettes, et en dessert, galettes, tartelettes, oreillettes, chouquettes ou navettes. Simonette, dotée d'un bon coup de fourchette, n'en laisse pas une miette et repart avec une provision de sucettes, noisettes et cacahuètes. Adepte des galipettes, elle remercie Yvette d'une originale pirouette et d'un bouquet de violettes cueilli sur la voilette d'un bibi de Madame Sarangette. À bord de sa fourgonnette aménagée, la famille heureuse et rassasiée, au fou rire sujette, chante à tue-tête. Malgré les tempêtes, la vie est chouette. Une fête à perpète, chacun le souhaite. Clarissandre, le 8 février 2024.